Exercice 5, page 144. A. Tu veux combien de biscuits? B. Tu veux combien de cookies? C. Tu veux combien de croquants? D. Tu veux combien de galettes? E. Tu veux combien de gâteaux? F. Tu veux combien de gaufrettes?